Bon après-midi, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeunes, une émission qui traite des sujets liés à la vie des jeunes. Et aujourd'hui, on va parler de la place des jeunes dans le secteur agroalimentaire dans notre pays, le Burundi. Ici au Burundi, l'agriculture est essentiellement pratiquée par la population rurale et surtout illettrée qui tire ses moyens de subsistance d'une agriculture en général d'autosuffisance alimentaire. C'est l'agriculture familiale qui permet aussi aux jeunes issus des familles rurales d'apprendre tôt les travaux des champs et peuvent s'exercer dès le jeune âge. Mais au fur et à mesure que ce jeune évolue dans leur éducation scolaire, il se fait observer en détachement total avec le secteur agroalimentaire. Et après les études, on dirait que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent un emploi qui permet de gagner l'argent rapidement et trouvent que le secteur agroalimentaire serait réservé aux gens de la campagne. Étant donné que dans cette société où tout travail manuel s'apprend, notamment en payant de l'argent, et que dans la famille qui pratique l'agriculture, on peut apprendre et jouir des avantages de cette activité sans payer de l'argent, on pourrait se demander pourquoi des jeunes ne s'intéresseraient pas au secteur agroalimentaire. Pour quelles raisons les jeunes devraient s'investir dans le secteur agroalimentaire? Pour tenter de trouver des réponses à ces interrogations, nous sommes dans nos studios avec M. Deogracias Karega. Il est spécialiste de la pisciculture et conseiller au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le département des eaux, pêche et aquaculture. Bon après-midi et bienvenue, M. Deogracias, dans notre émission Forum Jeunes. Bonsoir. Approchez les micros, s'il vous plaît. Nous sommes aussi avec deux jeunes intellectuels. Et je suis avec Gertrude Mawenayo, aussi avec Elie Nibel Nibigira, Gertrude, je te salue et je te dis bienvenue. Salut, merci de m'accueillir dans le studio de la radio Isanganiro. Elie Nibel Nibigira, salut et bienvenue dans le studio de la radio Isanganiro. Salut Didier, et merci pour l'invitation. Voilà. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebussi et à l'animation de cette émission, c'est Didier Nyanzima. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Auditrices, auditeurs, l'émission, c'est Forum Jeunes. Comme je viens de vous le dire aujourd'hui, on parle de la place des jeunes dans le secteur agroalimentaire. Et pour commencer, je vais adresser ma première question à M. Deogracias Karega. Messieurs de Gracias, sur base de votre expérience, est-ce que vous trouvez que les jeunes sont présents dans le secteur agroalimentaire dans notre pays actuellement? Merci de m'accorder la parole. Mm-hmm. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas vraiment, ne s'intéressent pas beaucoup à ce secteur, mm-hmm. parce que le secteur lui-même n'est pas développé comme il le faut. Mm-hmm. C'est pour cela que peut-être ils sont réticents. Ils ne voient pas directement que l'activité agricole peut générer peut-être des revenus dont ils ont besoin pour le moment, peut-être dans un temps record. Mm-hmm. Bon, puisque l'activité agricole, c'est une activité qui demande quelquefois la patience. Mm-hmm. Et je crois que c'est pour cela que les jeunes peut-être ne sont pas tellement intéressés. Est-ce que selon vous, on dirait que les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture parce que c'est une activité qui ne génère pas beaucoup d'argent ou... Effectivement, l'activité agricole mm-hmm. peut générer de l'argent, mais si elle est bien organisée. Mm-hmm. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas encore bien organisé comme il le faut. Mm-hmm. Parlons par exemple dans mon secteur, la pisciculture. Mm-hmm. Quand on parle de la pisciculture, on dirait que c'est une activité nouvelle mm-hmm. au Burundi, alors que ça vient de faire 50 ans. Ça mm-hmm. a été introduit au Burundi avec les colonisateurs mm-hmm. vers les années 50. Mm-hmm. Mais quand on voit comment on pratique la pisciculture, on utilise les méthodes archaïques, c'est la pisciculture extensive. Mm-hmm. La pisciculture extensive ne peut pas générer de l'argent capable de faire vivre quelqu'un. Mm-hmm. Aujourd'hui, jusqu'à présent, la production, chaque fois les gens me demandent est-ce que c'est rentable. Mm-hmm. Tant tant qu'on me demande encore que c'est rentable. Bah, en fait, les gens se demandent pourquoi élever les poissons. Donc, voilà. C'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas y entrer, ne sont pas attirés par cette activité parce qu'ils sont sceptiques. Est-ce que quelqu'un qui peut faire cette activité, est-ce qu'il peut gagner sa vie? Tout le monde se pose la question. Mmh. Et cela, c'est une réalité parce que moi, chaque fois, les gens me demandent est-ce que c'est rentable. Mmh. Oui. Donc, on dirait, selon vous, on pourrait dire que c'est l'ignorance qui serait à l'origine de ce problème, justement, de ce désintéressement des jeunes à l'endroit du secteur agroalimentaire. Du secteur agroalimentaire, c'est parce que jusqu'à présent, on dirait qu'on utilise les méthodes anciennes, les méthodes de l'agriculture restée dans une situation d'agriculture traditionnelle. Mm-hmm. Il nous manque l'innovation. Il nous manque l'innovation. Puisque pour attirer les gens, l'activité agricole devrait se pratiquer d'une façon moderne. Mm-hmm. Et c'est dans ce cadre-là que ça peut générer de l'argent et que c'est dans ce cadre-là que ça peut attirer les jeunes. Mm-hmm. Oui. Une question pour Gertrude. Gertrude, vous êtes jeune et j'imagine que vous aussi, vous avez, là où vous vivez, est-ce que vous trouvez que les jeunes vraiment s'intéressent à l'agriculture ou ils sont totalement désintéressés? Merci. Là où je vis et dans notre société, on voit vraiment que les jeunes ne s'intéressent pas au secteur agricole. Mm-hmm. Et si on essaie d'analyser, d'écouter certains et les autres, les jeunes vraiment ne voient pas l'importance d'investir dans le secteur agricole. Mm-hmm. Ils voient que l'agriculture est une activité réservée à la population paysanne, je dirais. Mm-hmm. Mais comme conseil, j'aimerais leur dire que... Avant de prodiguer quelques conseils, est-ce que si vous nous donnez, disons, des exemples de là où vous habitez ou de là où vous venez, est-ce que vous trouvez qu'il y a des jeunes qui ont déjà fait des études, quand ils reviennent chez eux, est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire une activité agricole ou quelque chose comme ça? Et si on essaie d'analyser, les jeunes n'ont pas cette initiative de s'investir dans ce domaine. Plutôt, ils préfèrent rester et attendre. Un jeune diplômé peut passer une année, 2 ans, 3 ans, et même 5 ans et plus, sans rien faire. Disant qu'il va attendre l'emploi dans les services publics ou bien dans les ONG. Il préfère travailler dans des bureaux. Tout le monde veut du travail administratif. Oui. Ils n'ont pas encore vu l'importance d'investir dans le secteur agricole. Oui. Dans un instant, vous allez nous donner les raisons qui pousseraient peut-être les jeunes à s'intéresser au secteur agroalimentaire. Cette fois-ci, donnons la parole à Elie Nibigila. Selon toi, quelle est votre analyse par rapport à cette situation où les autres disent que les jeunes ne s'intéressent plus aux activités agro-pastorales? Merci. En tout cas, je crois que d'abord, toutes les raisons ont été déjà dites. Tout à l'heure, j'écoutais ce monsieur, il disait les jeunes, vous savez, ici au Burundi, on utilise des méthodes archaïques dans ces secteurs. Imaginez, par exemple, moi je vais vous donner un exemple. Prenons un étudiant qui est à l'université et voilà, il va terminer l'université. Après ses études universitaires, il va prendre là-haut. Hein, vous voyez. Comment est-ce qu'il pourra prendre là-haut malgré les études qu'il avait? Donc, selon vous, ça serait un retour en arrière. En fait, on dirait qu'il est en train de revenir en arrière. Plutôt du côté du ministère, il fallait... innover, voilà, essayer de donner beaucoup plus d'innovation dans ce secteur agroalimentaire. Mais je crois qu'il fallait plutôt, du secteur pastoral par exemple, il fallait plutôt encourager les jeunes Est-ce que Nibel, vous venez de dire que c'est vraiment très difficile, c'est même inimaginable de voir un jeune diplômé retourner à la campagne. C'est vraiment inconcevable, je vous le dis franchement, c'est inconcevable de voir quelqu'un qui a fait ses études, qui est en train de prendre là-haut, en train de cultiver, c'est inconcevable. On va donner la parole à messieurs. Je ne sais pas si peut-être Nibel vous a bien compris. Est-ce que mener une activité agropastorale, c'est nécessairement prendre la roue? Est-ce qu'on ne peut pas juste investir dans ce domaine-là ou, voilà. Malheureusement, c'est la conception qui est actuelle chez les jeunes. Malheureusement. Mais ça ne devrait pas être comme cela. Puisque l'activité agro pastoral peut être rentable, peut être utile, si c'est bien organisé. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est quel problème ? C'est parce qu'on a l'impression que les agriculteurs sont pauvres. Justement. Hein? C'est ça le problème. Mais si l'agriculture avait été bien organisée, c'est-à-dire pratiquée d'une façon moderne, c'est dans son sens là que ça peut être rentable et c'est dans ce cadre-là que ça peut attirer beaucoup de jeunes. Mais tant que ça se pratique, moi, souvent je fais la marche, je passe à travers les villages. On trouve un champ de manioc, mais on voit les boutures. En ce moment, tu te poses la question, est-ce qu'il y a un agronome qui passe ici? Vraiment, c'est regrettable. Mais malheureusement, on n'a pas d'autre solution. Voilà. Dans le temps, on sortait l'école, on sortait l'université et on était directement embauché. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens doivent voir comment créer, en tout cas, doivent développer l'esprit de créativité. C'est-à-dire, ils peuvent même se mettre dans des associations. Il ne faut pas penser à la fonction publique seulement. Aujourd'hui, ça se voit que la fonction publique n'est plus capable d'embaucher tout le monde. Alors, moi, j'étais en Égypte, par exemple. Quand les gens terminent dans une faculté quelconque, ils sont ensemble, ils s'organisent, mais eux, heureusement, ils ont le système des banques agricoles. C'est le système des banques agricoles qui appuie les jeunes qui vont entrer dans un secteur quelconque. Alors, ils sont avalisés par ceux qui ont commencé dans cette activité. Voilà comment c'est organisé. Mais ici aussi, si il y avait ce système-là, banque agricole, c'est-à-dire système, aujourd'hui on dit, ok, avant d'avoir un crédit, il faut des garanties. On te demande une maison. Où est-ce qu'un jeune peut trouver une maison? C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait un système de telle manière que les jeunes peuvent accéder au crédit sans d'autres conditions aussi difficiles qu'avoir un camion. Monsieur de Gracias, justement, avant d'aborder ce qu'il faut faire justement pour pallier à ce problème-là, justement pour pousser les jeunes à s'intéresser au secteur agroalimentaire. J'aimerais demander à Nibel qui vient de... Vous avez évoqué le problème d'ignorance et Nibel a évoqué le problème qu'il y a justement un manque d'innovation et de développement du secteur par le ministère, ce qu'il a dit. Aussi, il y a Gertrude qui a parlé justement de ce développement aussi. Mais je voulais demander, Nibel, selon toi, alors qu'est-ce qui pousserait les jeunes justement à s'intéresser au secteur agroalimentaire? Quels sont les avantages qui sont dans ce secteur-là et que les jeunes sont en train de louper actuellement parce que justement ils ne s'intéressent pas à ce secteur-là? Vous savez, ce secteur est vraiment, comment dire, il est vraiment rentable. Si bien sûr, on sait comment faire la gestion. Ça dépend de la gestion. C'est vraiment un secteur qui est rentable. J'ai déjà vu d'ailleurs quelques associations, quelques jeunes qui se sont mis ensemble pour... se mettre en association. Mais tout à l'heure, vous nous disiez que c'est difficile pour les jeunes de prendre la roue, mais ce n'est pas nécessairement prendre la roue. Mais écoutez, écoutez, je vais vous le dire comment ils l'ont fait. Justement, ils mettent quelques fonds ensemble, voilà, et puis... Les cotisations, et puis ils engagent, par exemple, une main-d'œuvre pour pouvoir labourer, cultiver, et puis... voilà, semer, pourquoi pas le sarclage, je ne sais pas. Tout ça. Et voilà, et après la récolte, franchement, j'ai finalement remarqué que c'est un secteur qui est rentable. Ils ont finalement gagné beaucoup d'argent. Oui, ils ont finalement gagné. Mais tu m'as demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes soient intéressés. Pour que les jeunes soient intéressés. Je reviens à ce que j'avais déjà dit, il faut des innovations. Il faut des innovations. Tout à l'heure, il parlait de la sculpture. Voilà, c'est vraiment ce que l'on a. Je crois que ça date de très longtemps. Et en plus, avec les mêmes. La même méthode. Mais l'activité n'est pas toujours très connue. Voilà. L'agriculture, ça fait combien de temps qu'on cultive au Burundi? Mais voilà, on utilise encore la houe. Comme si on était en 1800 et quelques. Voilà. Il faut vraiment d'innovation. Il faut qu'on aille de l'avant. Il ne faut pas qu'on reste, qu'on fasse marche. Sur place. Voilà. Oui, je rappelle aux auditeurs que l'émission c'est Forum Jeune. On va marquer une petite pause et après on va continuer avec notre émission. Il va falloir se battre. Se battre comme ils l'ont fait il y a longtemps. Il y a longtemps. Vous écoutez l'émission Forum Jeune à la radio Isanganiro, ici au studio. Je suis avec trois invités. Je suis avec Messier de Gracias Karega. Il est spécialiste de la pisciculture, mais aussi conseiller au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le département des eaux, pêche et aquaculture. Je suis aussi avec deux jeunes intellectuels qui s'intéressent aux fonctions des jeunes. Je suis avec Elie Nibel Nibigila et Gertrude Mawenayo. Je retourne à Monsieur Deo Gracias. Monsieur Deo Gracias, vous avez dit que le secteur agroalimentaire, c'est vraiment rentable et que ça peut faire développer les gens qui font cette activité-là. Alors, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages qui se trouvent dans ce secteur-là si elle est bien effectuée par les gens qui décident de s'y intéresser? Merci beaucoup. Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, on n'a pas de choix. On doit tout faire pour développer ce secteur. Je donne un exemple. Par exemple, le cas qui nous concerne. Aujourd'hui, au niveau du lac Tanganyika, il y a la production. Autour de 17 000 tonnes de poissons par an. N'est-ce pas? Alors, les Burundais, aujourd'hui, on est autour de 12 millions. Si on fait les simples calculs de division, on trouve qu'un Burundais a droit à 1,5 kg par an de poissons, de consommation de poissons, alors que la FAO, au niveau de l'Afrique, recommande 8,3 kg qu'on devrait consommer. Vous voyez qu'en ce moment, nous sommes obligés de développer. Je parle d'un cas, mais c'est presque dans tous les domaines, mais au niveau du Rio ou autre chose. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai un groupe de jeunes aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à la pisciculture. Justement, pourquoi ces jeunes-là s'y intéressent? Parce que je leur ai montré comment on peut gagner. Chaque fois, ils m'ont posé la question, est-ce que c'est rentable? Aujourd'hui, je viens de leur montrer que c'est rentable. Parce que j'ai changé la méthode de pratique de la pisciculture. J'y ai mis des techniques nouvelles. C'est-à-dire, j'ai montré comment alimenter. Puisque je sais, les gens ne savaient pas que le poisson a besoin de s'alimenter. Les gens ne savaient pas que le poisson a besoin de la qualité, de l'eau de très bonne qualité. Il faut gérer la qualité, il faut alimenter le poisson, il faut suivre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais. Si l'activité agricole se révèle rentable, ça va rassurer les jeunes. Mais si ça reste au niveau où ça se trouve aujourd'hui, ça ne peut pas rassurer les gens. C'est pour cela qu'il faut améliorer les méthodes de travail. Justement, Quand Nibel parlait, évoquait le fait que c'est inconcevable pour les jeunes diplômés de retourner à la campagne et prendre la route pour aller labourer les champs. Est-ce que vous pensez que les jeunes qui peuvent vraiment s'investir dans le secteur, mais sans toutefois prendre la route, aller labourer le champ, ils peuvent juste se mettre ensemble? Je donne l'exemple concret que je vis aujourd'hui. Oui. Avec la récolte, la première récolte de ces jeunes, les autres ont directement pris la décision d'aller aussi creuser leur étang. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le champ s'élargit. Mm-hmm. Oui. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose. Mm-hmm. Puisque avant que le poisson atteigne la taille marchande, mm-hmm. on peut vendre les alevins. Mmh. Et puis les alevins coûtent cher, et puis les alevins sont rentables. Mmh. Ils ont gagné. Aujourd'hui, ils ont donné un bon exemple. Mmh. Aujourd'hui, alors, il y a le cercle des pisciculteurs, des jeunes pisciculteurs qui s'élargit. Mmh. C'est-à-dire, voilà, ce qui manque, c'est quoi? C'est de développer, utiliser les méthodes nouvelles et rendre l'activité rentable. Et c'est dans ce cadre-là que les jeunes peuvent s'intéresser à cette... Ouais, voilà, cette fois-ci, on donne la parole à Gertrude Selon-Saint-Lovou. Est-ce que vous pensez que les jeunes devraient vraiment s'intéresser au secteur agroalimentaire? Comment? Oui, bien sûr. Monsieur Nobel a parlé des innovations. Monsieur Deo vient de le renforcer aussi. Mm-hmm. Je suis vraiment totalement du même avis. Il faut que ce secteur soit modernisé. Il faut surtout un changement de mentalité de notre part, nous les jeunes, parce que si on essaie d'analyser, et comme en considérant l'exemple que M. Deo vient de montrer, de nous donner ici, vraiment, il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont déjà compris que et le secteur agro-pastoral est un secteur vraiment rentable. Ce qui est à faire, donc, il faut un changement de mentalité. Et c'est nous, les jeunes, qui veulent le faire. Mm-hmm. Nous avons passé sur le banc de l'école. Nous avons acquis des connaissances nécessaires pour que nous pouvons utiliser dans la transformation de ce secteur. Donc, il ne faut pas attendre que le ministère vienne vous mobiliser. Vous pouvez vous mobiliser vous-même. Non, il ne faut pas attendre. Puisque nous sommes intelligents, nous sommes intellectuels, ce qui est à faire, c'est uniquement appliquer les connaissances acquises à l'école pour transformer cette agriculture de l'agriculture de subsistance à l'agriculture du marché. Mm-hmm. Et vraiment... Il faut un changement de mentalité. Je vois que Nibel a envie de réagir face à cette question-là. Mmh, Nibel, comment vous trouvez? Franchement, j'ai un truc, je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est une fille qui... Mais pourquoi parce que c'est une fille? Non. Non, vas-y, vous pouvez donner votre avis. Lorsqu'elle dit que ce n'est pas pour le ministère qu'il fallait plutôt demander, il faut plutôt appliquer ce qu'on a étudié, tout ça. Non, il a dit que les jeunes pouvaient mener des initiatives Je me rappelle très bien quand j'étais à l'école secondaire, on a appris l'agriculture. Mm-hmm. Ouais, mais aussi à la maison. En primaire, même à la maison, je crois. Mm-hmm. Moi, j'ai pris la OAS. Et actuellement, est-ce qu'actuellement tu ne l'apprends plus? Je peux pas le faire. Tu ne peux plus. je voudrais tout simplement dire que, vous savez, Deo a fait une très bonne initiative pour les jeunes sculpteurs, par exemple. Mais parce que les gens qui nous parlent de créativité, ce sont nos pères, sont ces papas-là. Hein. Au lieu de créer plutôt, parce qu'ils ont des moyens pour créer, ils nous demandent de créer, d'être est-ce créatifs. Est-ce que, Nibel, tu ne trouves pas qu'il est temps que les jeunes cessent de prendre pour esquive les anciens? Tu ne peux pas être créatif sans moyens. C'est un problème très sérieux. Mais toi-même, tu as donné l'exemple des jeunes qui se sont associés. Ils se sont mis ensemble. J'ai dit, ils ont cotisé, bien sûr. Mm-hmm. Et lorsqu'on n'a pas à cotiser, on va à la rue. Donc, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Ouais, il faut plutôt que... les autres personnes prennent cette initiative de Monsieur Deo, par exemple, pour créer, pour encadrer les jeunes chômeurs, par exemple, pour leur montrer que tout le monde n'aura pas le boulot à l'administratif, plutôt pour, comment dire, leur encadrer dans, justement dans donc cette les forme. Aînés doivent montrer le chemin aux jeunes. Ouais, les alors, les jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils doivent faire justement pour... Les jeunes, ils vont justement suivre, s'intéresser. Il ne faut pas abandonner le secteur, que c'est pour les paysans, que c'est pour la population rurale. Parce qu'on nous dit que plus de, c'est 90% de la population qui pratique l'agriculture. Imaginez-vous. Et alors, où sont ces 10%? Ils sont dans la ville. Ouais, ils sont en ville. Voilà, un dernier mot, une dernière question pour Monsieur Deo, pour terminer. Quel est votre conseil à l'endroit des jeunes qui ne veulent plus s'intéresser au secteur agro-pastoral? Le conseil, c'est le conseil que je donne chaque jour. Tu apprends. Non pas pour peut-être aller conserver ça dans le tiroir. Tu apprends pour appliquer. Il faut aimer ce qu'on a appris. Il faut aimer son métier. Je suis conseiller au département, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Je suis parmi les rares Burundais qui pratiquent la pisciculture aujourd'hui. Je suis parmi les rares. Et je sais, il y a ceux qui ont appris la pisciculture avant moi, mais qui n'ont rien fait. Vous avez pris des risques. Moi, j'ai pris des risques. Effectivement, aujourd'hui, j'ai des réponses à certains gens, à certains pisciculteurs, à ceux qui veulent pratiquer la pisciculture, et surtout aux jeunes. Je suis en train d'intéresser les jeunes à pratiquer la pisciculture parce que je leur ai montré que c'est faisable, que c'est rentable. Alors, et pour d'autres activités, il ne faut pas que les gens... Puisque c'est ça qui se passe aujourd'hui, bon, souvent ici chez nous, il y a un ingénieur agronome qui est avec son diplôme, mais il attend d'être nommé gouverneur. C'est gouverneur. Non, mais si tu es gouverneur alors que tu es agronome, tu oublies ce que tu as appris. C'est malheureux. Mm-hmm. Et c'est pour cela que même ce qu'ils ont appris ne se voit pas sur le terrain. Parce que ceux qui savent ne pratiquent pas. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Normalement, ils devraient pratiquer et montrer, donner l'exemple. Et ce sont leurs champs d'expérimentation qui donneront l'exemple aux jeunes et qui montreront que cette activité peut faire vivre celui qui la pratique. Voilà, chers auditeurs, c'est par ici que prend fin l'émission Forum Jeunes d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient en train de nous écouter. Et je saisis cette occasion pour remercier nos invités. Merci Deo Gracias Kalega, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à Gertrude Mawenayo. Merci d'être venu dans notre studio pour donner vos points de vue dans notre émission Forum Jeunes. Je vous remercie aussi. Merci aussi à Eli Nibereni Vigila. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, merci à vous, chers auditeurs. Merci à Aimé Toussaint Mitevoussi qui assurait la mise en onde. L'émission était animée par Didier Dionzima. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi.